Je peux tourner à droite, réponse A. Tourner à gauche, réponse B. Des cyclistes peuvent venir de droite, réponse C. De gauche, réponse D.